plus que l'amitié. Jusqu'où ça va? Est-ce qu'on t'aime pour ce que tu es, ce que tu représentes, ce que tu as? Mais jusqu'où irait un ami pour toi? Combien on a retrouvé avec leur racle sous les draps? Qu'est-ce que l'amitié? Jusqu'où ça va? Est-ce qu'on t'aime pour ce que tu es, ce que tu représentes, ce que tu as? Mais jusqu'où irait un ami pour toi? Combien ton poucaf, tricard, qui croirait même pas? Si je vieillis, que je m'aperçois qu'autour de moi y'a du monde. Mais est-ce que je peux compter mes âmes sur le bout de mes doigts? Combien pour rien au monde ne me trahirait quand je déraille? Combien ne sauterait pas du train iré jusqu'au bout de ces pensées évoquées lors de ces longues soirées dans les cages d'escalier à philosophes et putain. Pour certains, j'ai eu l'impression de tout donner. Aujourd'hui, le sentiment d'être isolé pour avoir gardé mes convictions. Ma solitude n'est pas que des mots prononcés chaque soir à l'heure de Morphée. Trop d'images ancrées me torturent. Difficile d'imaginer le futur avec tant de morsures. Peut-on oublier les blessures? Mais qu'est-ce que l'amitié? Jusqu'où ça va? Est-ce qu'on t'aime pour ce que tu es, ce que tu représentes, ce que tu as? Mais jusqu'où irait un ami pour toi? Combien on a retrouvé avec l'oracle sous les draps? Qu'est-ce que l'amitié? Jusqu'où ça va? Est-ce qu'on t'aime pour ce que tu es, ce que tu représentes, ce que tu as? Mais jusqu'où irait un ami pour toi? Combien ton poucaf, tricard, qui croirait même Daru pas? Daru m'a toujours dit ce qui compte, c'est d'avoir une famille soudée. Moi je l'ai agrandi sur de ses pensées, prêt à écarter mes bras, ouvrir ma porte et les réunir à ma table pour un repas aux discussions fortes et mémorables, dont la joie et la chaleur étaient presque palpables. Autant de rires et de pleurs, crispés, périssables comme une fresque dessinée à la craie. Frustré de voir les couverts diminuer chaque année, incrustés sont les regrets, les remords, le reflet de mes consorts. Malgré certains efforts, s'atténue, s'évapore. La vie est faite d'étapes, elle est pleine de défaites et d'handicaps en espérant un happy end. Mais qu'est-ce que l'amitié? Jusqu'où ça va? Est-ce qu'on t'aime pour ce que tu es, ce que tu représentes, ce que tu as? Mais jusqu'où irait un ami pour toi? Combien on a retrouvé avec l'oracle sous les draps? Qu'est-ce que l'amitié? Jusqu'où ça va? Est-ce qu'on t'aime pour ce que tu es, ce que tu représentes, ce que tu as? Mais jusqu'où irait un ami pour toi? Combien ton poucaf, tricard, qui croirait même dis-moi, pas? Dis-moi, ton enterrement mieux vaut-il avoir 10 personnes qui t'aiment? Ou bien une centaine qui ne te respectent à peine, qui ne respectent la peine des tiens que par compassion? Livre de condoléances remplies d'ennui, trop peu d'émotions. Mais pourquoi l'homme préfère-t-il être mal entouré? Est-ce la peur de ne rien représenter ou d'être oublié? Est-ce moi qui me pose trop de questions ou qui devient aigri alors qu'en vérité j'ai de vrais amis? Celle-ci c'est pour mes frères de cœur que je n'oublierai jamais, ceux sur qui je peux compter, pour qui je peux compter, ceux qui ont fait de moi ce que je suis sans aucun égal. Je vous serai toujours loyal. Mais qu'est-ce que l'amitié? Jusqu'où ça va? Est-ce qu'on t'aime pour ce que tu es, ce que tu représentes, ce que tu as? Mais jusqu'où irait un ami pour toi? Combien on a retrouvé avec l'oracle sous les draps? Qu'est-ce que l'amitié? Jusqu'où ça va? Est-ce qu'on t'aime pour ce que tu es, ce que tu représentes, ce que tu as? Mais jusqu'où irait un ami pour toi? Combien ton poucaf, tricard, qui croirait même pas?